très bon début de soirée. Place nationale, la Gournée en Braille. Il est 18h, tout de suite, un point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. À ce stade, les causes de l'effondrement des immeubles ne sont pas établies, a annoncé le procureur de la République au sujet de l'effondrement des trois immeubles à Marseille. En l'état, il est prématuré d'imputer des responsabilités pénales, a-t-il ajouté. Un sixième corps, celui d'un homme, a été découvert à la mi-journée dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille. Les corps de trois autres hommes et deux femmes ont déjà été retrouvés dans les gravats par les secours depuis hier matin. Deux personnes pourraient donc encore se trouver sous les décombres. Je ne pardonne en rien, mais je ne gomme rien de notre histoire, déclare Emmanuel Macron au sujet de la polémique sur l'hommage à Philippe Pétain. Le chef de l'État a en effet jugé légitime de rendre hommage samedi aux Invalides à Philippe Pétain, grand soldat selon ses mots pendant la Première Guerre mondiale. Le Conseil représentatif des institutions juives de France s'est dit choqué par les propos du président Emmanuel Macron. C'était une revendication de longue date. Les personnes diabétiques qui devaient déclarer leur maladie à l'auto-école et passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé par la préfecture vont voir leurs conditions d'obtention du permis de conduire assouplies. Dans la législation actuelle, le médecin agréé devait juger le candidat diabétique apte à gérer son hypoglycémie. Le permis n'était attribué que pour une période limitée à 5 ans sous réserve de l'aval de ce médecin. Les excisions et mutilations sexuelles encore largement répandues en Afrique sont significativement en baisse parmi les enfants de 0 à 14 ans grâce aux campagnes de sensibilisation, constate une étude publiée aujourd'hui dans le magazine BMJ Global Health. L'étude menée à partir des données de l'UNICEF fait état d'une baisse encourageante de ces pratiques mutilantes en Afrique de l'Est. En revanche, le rythme de déclin de ces pratiques est plus lent en Afrique du Nord. Selon les estimations de l'UNICEF, 200 millions de femmes et d'enfants dans le monde ont subi des mutilations sexuelles. Enfin, placé en garde à vue depuis 24 heures, le propriétaire de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, a été inculpé à Monaco cet après-midi dans le cadre de l'affaire d'escroquerie présumée qui l'oppose à son ancien marchand d'art suisse Yves Bouvier. Le ou les chefs d'inculpation précis visant Dimitri Ribolovlev n'ont pas été précisés. Il est soupçonné de corruption, trafic d'influence actif et passif et complicité de ses délits. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans quelques minutes, George Ezra avec un shotgun et tout de suite, Tiesto Zeko avec Jackie Chan. L'after school d'espace. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', no, don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. That you know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand, you know. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance, ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. About me, back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world, as fuck you pay. I've been slaving, turn the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Dancing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan.

Et puis ça aussi. Écoutez, écoutez, nous vous diffusons le meilleur. Get on up and do it again. Bonne fin de journée en Normandie Picardie, 18h20. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est mercredi le 7 novembre et encore une fois c'est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen à 18h30 du côté de la bibliothèque patrimoniale, un destin singulier caricature et dessinateur face à 14-18 à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. À 19h on se dirige au Kind Arena pour les rendez-vous sports de la métropole et ce soir on s'essaye au self-défense tandis qu'au musée des Beaux-Arts toujours à 19h des cours de nu avec des modèles vivants vous seront proposés. Ça, c'est intéressant. Et puis à 20h au théâtre des Deux Rives, l'âge bête, énorme spectacle. Au théâtre à l'ouest, dans la peau de ma femme. Tandis qu'au théâtre des Arts, toujours à 20h, vous retrouvez Roméo et Juliette. Et puis jusqu'au 18 novembre, vous le savez, sur l'esplanade Saint-Gervais, les manèges de la foire Saint-Romain vous attendent pour vous envoyer en l'air. Et notez également que ce samedi 10 novembre, à Honfleur, au grenier à sel, dès 14h30, la grande dictée est de retour avec Jean-Pierre Collignon. Vous pouvez vous inscrire au 02 31 81 88 00. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave me. Don't you ever go. I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry. Even when I'm cold. Don't you ever leave me. Don't leave me alone. Don't you ever. Très douce à l'instant d'Anne-Marie avec David Guetta, c'était Don't Leave Me Alone, 18h25, maintenant 6 minutes de son 80 mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. Funky Mix. Ne les a pas oubliés. Les Classic Dance. Funky Mix. Oh tempo. Listen to Funky Mix sounds. Funky Mix. We'll be right back. say that you are free. Take you out to somewhere really special. Oh, won't you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only up to sing. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm a begging you now, it's where we both to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation. I would say come along. Music can give lovers inspiration. It's just a place where we belong. Nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time, gonna go there? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. What you say? You and I should go together. What you say? It's for everyone to see. Get on the bienvenue sur la première radio Soul Disco Funk de France avec notamment Funky Mix. Tous les soirs de 21h à 23h, 18h31, tout de suite, l'info locale et régionale avec la team de la rédaction. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Après 48 heures de garde à vue, les deux hommes âgés de 26 et 30 ans interpellés lundi après-midi dans le cadre de l'enquête pour l'agression d'un homme homosexuel survenu le 25 octobre à Rouen sont actuellement en cours de déferlement au palais de justice de Rouen en vue d'une éventuelle mise en examen. Frappé, insulté, séquestré et dépouillé de 800 euros après une soirée, l'homme de 34 ans avait reçu 10 jours d'interruption temporaire de travail. Les trois jeunes Normands de 25 à 28 ans poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes ont été finalement condamnés hier à des peines de 7 ans pour les deux prévenus originaires de Val-de-Reuil et de Canteleu et 5 ans de prison pour le troisième. Le trio projetait en 2016 de braquer le manoir de Portejoie dans l'Eure en vue de rejoindre les terres occupées par Daesh. Alors que la thèse de la chute solitaire semblait privilégiée dans la mort d'un motard lundi soir à Petit-Couronne, un automobiliste s'est présenté hier au commissariat en déclarant l'avoir percuté en voiture. Il a été placé en garde à vue. Le pilote monté sans casque sur une moto non homologuée et non équipée de phares était suivi et éclairé par deux amis dans une voiture sur le boulevard maritime à Petit-Couronne. L'effondrement mortel de plusieurs immeubles dans le centre-ville de Marseille révèle la réalité de locataires qui vivent dans des logements dits indignes. Précision de Jean-Charles Deschamps, conseiller juriste à l'association départementale dans l'heure d'information sur le logement. On parle souvent d'habitat indigne où effectivement on retrouve les critères de non-décence du logement, pas aux normes de sécurité électrique, pas de chauffage. On va basculer sur un logement avec un arrêté de péril, c'est-à-dire avec un danger immédiat de solidité de l'ouvrage, et puis à la salubrité où là, le logement présente des risques de santé ou de sécurité physique pour les occupants. Selon un rapport de 2016, 3,9% du parc privé serait potentiellement indigne en Seine-Maritime et jusqu'à 4,7% dans l'Eure. Quels sont les recours possibles pour le locataire ? Dans un premier temps, qui relance son propriétaire via un recommandé en rappelant la règle, lui demandant qu'il fasse les travaux. Si ça n'aboutit pas, il peut toujours saisir gratuitement la commission de conciliation du département qui a pour but de réunir les parties et s'y trouver un arrangement amiable, même parler au propriétaire des aides qu'il peut mobiliser. Et puis, si ça n'aboutit pas, après, on peut faire une action gratuite devant le tribunal d'instance pour demander à ce que le propriétaire soit condamné à faire les travaux. En cas de logement non décent avéré, la caisse d'allocation familiale peut bloquer le versement de l'aide au logement au propriétaire. Au Neubourg, pour informer les passants, plusieurs membres d'un collectif nommé Bloquons tout le Neubourg ont distribué aujourd'hui des tracts sur le marché. Ces gilets jaunes veulent bloquer un rond-point du 16 au 20 novembre prochain, de 17h à 20h, pour protester contre la hausse du prix des carburants. Et puis dans l'Oise, au moins 8 stations-service ont été visées par des vols de carburant. Parmi elles, celle de Crèvecœur-le-Grand. Son voleur vient justement d'être condamné à 7 mois de prison pour avoir tenté de dérober plus de 1000 litres de carburant. C'est d'ailleurs grâce à son interpellation que les gendarmes ont pu mettre en lumière dans le département le piratage des pompes des stations-service grâce à une télécommande. Ce n'était pas une erreur, la sirène d'alerte à la population n'a pas retenti à midi aujourd'hui, mais à 11h45 dans l'Eure et le Calvados et 11h55 en Seine-Maritime. Ce sera désormais le cas chaque premier mercredi du mois en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel national qui nécessite un étalement des tests. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, place aux éclaircies, voire au soleil dans l'après-midi. En revanche, seulement 9 degrés au meilleur de la journée sur Formerie, 10 degrés sur Gournay-en-Bray et le plateau du Neubourg, 11 degrés à Bernay, Rouen, Louviers, Évreux, Vernon-les-Andelys, Gisors et Beauvais et 12 degrés à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Indice de l'air et qualité de l'air avec Atmo Normandie, c'est nickel, G3 partout. On attaque cette nouvelle demi-heure à 18h35 avec The Prince Karma. Total bullshit.

bruit et qu'importe la pluie. Et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Qu'en fait-on pour s'éloigner de soi? Qu'en en sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Boulevard désert, comme ça, tranquille, qui se balade dans les boutiques, magasins, dans les ateliers, dans les voitures, dans les utilitaires, pour ceux qui n'ont pas terminé la journée à 18h53. C'était Je me dis que toi aussi, tu bosses encore à cette heure-ci. Dans la catégorie des sons qu'on nous demande en fin d'heure, celui-ci, on nous l'a demandé, mais plein de fois, on écoutera ça avant 19h. Ça tombe vachement bien, j'espère que pour vous aussi, car moi je kiffe depuis des années ce titre-là, Vandalen, 18h53. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mercredi 7 novembre. Ce soir sur TF1, que des séries ricaines comme Un jour sur deux, Esprit criminel avec des inédits en première partie de soirée et des rediffs en seconde, hein, c'est-à-dire que les comédiens qui sont morts dans le premier sont vivants dans le deuxième. C'est la magie de la télé. France 2, Les Ombres du passé, un téléfilm français avec Samuel Le Bihan et Frédéric Diefenthal. Nous sommes à Marseille, un homme est pris de vertige en pleine rue. Au même moment, un crime est commis sous ses yeux, c'est un vrai polar. 22h40, ça ne sortira pas d'ici, la nouvelle émission de Michel Simès, qui a tendance à prendre un petit peu le bourliche en ce moment. Hein. Monsieur n'aime pas qu'on le critique, c'est un petit peu le principe des chroniqueurs télé. Hein. Si on ne peut plus rien dire, on va être au chôme-du. Chôme-du, expression des années 80 que je viens de ressortir. France 3, La guerre de tous les Français, un documentaire sur la Première Guerre mondiale. Pour info les jeunes, nous célébrons les 100 ans de la guerre 14-18 et en seconde partie de soirée, Les oubliés de la victoire, on parle des soldats d'Orient. Canal Just Kids, un documentaire sur plusieurs jeunes originaires de Guinée qui sont arrivés en France en compagnie de nombreux migrants. Arte, La bête humaine, un film de 1938. Hein, même mes parents n'étaient pas nés, c'est pour vous dire si le film est vieux. C'est avec Jean Gabin et le film est signé Jean Renoir. M6, Le meilleur pâtissier, la demi-finale. Ce soir, un amour de gâteau. Donc on va faire des gâteaux en forme de cœur, hein, de smiley. Il va y avoir des fraises, je suis sûr, de la chantilly. Et puis Cyril Lignac va encore claquer ses dents sur les cuillères et Mercotte va nous ressortir des recettes qui datent de 732 avant Jésus-Christ et elle avait déjà 14 ans. Le meilleur de la TNT, c'est 8. Ahmed Silla débarque avec sa petite série qui s'appelle Access, TMC, Burger Quiz avec des inédits de notre ami Alain Chabat. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. 19h Dorian pour l'Afterwork. 21h Manu pour Funky Mix. Et moi, je termine en mode plutôt rock. Et ça me va bien. Voici Vandalen avec un jump. Passez une bonne soirée. Et pour ma part, je vous fais le rencard demain dès 17h. Ciao. Tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le mercredi 7 novembre, il est 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Je ne pardonne en rien, mais je ne gomme rien de notre histoire, a déclaré Emmanuel Macron au sujet de la polémique sur l'hommage à Philippe Pétain. Le chef de l'État a en effet jugé légitime de rendre hommage samedi aux Invalides à Philippe Pétain, un grand soldat, selon ses mots, pendant la Première Guerre mondiale. Le Conseil représentatif des institutions juives de France s'est dit choqué par les propos du président. À ce stade, les causes de l'effondrement des immeubles ne sont pas établies, annonce le procureur de la République au sujet de l'effondrement des trois immeubles à Marseille. En l'état,

I'm